Bienvenue, vous allez maintenant écouter l'enregistrement de la seconde table ronde Discord de la scénaristerie intitulée L'inclusivité en GN. Ok, alors on va te laisser faire ton intro et ensuite on fera un petit tour de table virtuelle. Ça marche ? Ok, c'est cool. Bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, je vous propose, je vais animer un sujet autour de l'inclusivité, de penser l'inclusivité en GN. J'ai fait un petit tour des notes que j'avais là-dessus et afin de présenter un petit peu ce qu'est ou ce que peut être l'inclusivité pour moi. Très très rapidement structurer ça un peu en trois points. Le premier point pour moi qui serait plutôt les questions dans l'écriture. Deuxième point dans la logistique et le troisième point on va dire dans les règles. Très vite fait, c'est pas une définition du dictionnaire ni académique, mais pour moi, je pourrais dire qu'être inclusif, c'est plus ni plus ni moins qu'accueillir autrui. Et donc, se poser la question en fait de quel moyen se donner afin d'accueillir autrui dans les meilleures conditions. Et quelles difficultés ça pose, et quelles contraintes ça pose. Alors, pour ce qui est de l'écriture, déjà une chose qui paraît intéressante à noter, c'est qu'être inclusif, ce n'est pas forcément opposé à l'absence d'exclusivité. Parce que si j'organise un GN à 400 euros ou pour mes potes, ou uniquement réservé aux personnes ceinture noire de judo ou confirmées en HARP, c'est assez explicitement exclusif. Mais on peut très bien se vouloir inclusif et pour autant renvoyer un message qui, de manière non intentionnelle, serait exclusif. Donc, ça pose un peu la question de l'identité aussi des personnes qui écrivent, enfin, qui conçoivent, de qui l'on est, de ce que l'on veut exprimer, de l'empathie aussi qu'on peut avoir pour autrui. Par exemple, je voudrais organiser un GN qui parle de personnes de couleur, mais je ne suis pas une personne de couleur, donc comment ce genre de choses, je le prends en compte. On peut aussi faire attention, à toutes les questions, de stéréotypes ou de raccourcis, type inclure des elfes noirs dans un jeu, en les considérant comme les dark figures de cet univers. Toutes ces facilités d'écriture et ces traditions peuvent du coup mener à avoir une démarche exclusive sans forcément le vouloir, parce qu'on fait comme ça depuis un moment. Voilà, j'ai une liste de trucs non-exclusifs, de choses à réfléchir, mais je pense qu'on en discutera tout à l'heure dans la discussion. Au niveau logistique, a priori le point le plus important et le plus évident, c'est toutes les questions d'accessibilité. On se pose notamment la question du handicap et de comment on fait en sorte de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder au jeu. Donc là, pareil, il y a des choses qui peuvent paraître assez évidentes, mais on va voir qu'il y a bien plus de questions à se poser que ce qu'on pourrait croire. Et la troisième partie que je voulais aborder, c'est notamment dans les règles, dans toute la dimension entre guillemets symbolique, ce que l'on va ni plus moins attendre de nos joueurs et de nos joueuses, et l'importance d'avoir une communication la plus transparente possible au niveau de ces attentes et de tout ce qu'ils comprennent. Voilà, donc au travers de ça, la question était comment rendre un GN le plus accessible possible, et je vous invite du coup à prendre la parole sur quelles sont déjà les choses que vous pratiquez, que vous mettez en place dans votre pratique et les réflexions que vous avez là-dessus. Voilà. Alors, je vais commencer à me présenter, du coup, puisqu'on a dit qu'on faisait quand même un petit tour, sans partir dans le contenu du débat pour l'instant. Donc, moi, c'est Axel. Je suis cofondatrice de la scénaristerie du Petit Peuple, donc, et ça m'intéresse. La question de l'inclusivité m'intéresse parce que je suis très sensible au GN comme moyen de sensibiliser à certaines discriminations et à certaines inégalités. Donc, forcément, la question de l'inclusivité se pose. Moi, c'est Cécile. Comme je disais tout à l'heure, je suis à Toulon, mais je joue plutôt avec les gens de la région parisienne et de Rhône-Alpes. Je suis en situation de handicap. Du coup, la question de l'accessibilité, ça me touche directement. J'y ai déjà un petit peu réfléchi. J'ai servi de relectrice à Élise et Mathieu pour leur article et leur atelier sur le sujet que j'espère vous avez déjà lu, sinon je vous conseille grandement de le lire, sur électrogène. Voilà, et par ailleurs, je suis féministe, et donc être inclusif, c'est aussi être attentif, pas avoir à empêcher les comportements sexistes et faire que tout le monde soit bienvenu, les femmes, les personnes d'un genre autre que binaire, etc., etc. Bonsoir, donc moi je m'appelle Baptiste, je suis hygiéniste, je suis artiste et là je suis en train de monter un projet professionnel qui tourne pas mal autour de ça. Et la question en fait de l'inclusivité me touche beaucoup parce que ça a fait partie pour moi des éléments en fait à prendre en compte dans la fiction et dans l'art en général qui sont encore trop peu questionnés, dans encore des questions de tradition ou quoi, et qui pour autant, en fait, à mon sens, empêchent beaucoup de personnes d'accéder, de se reconnaître dans des pratiques artistiques, des compositions artistiques. Et donc, voilà, j'ai à cœur d'essayer de faire évoluer un petit peu tout ça. Salut tout le monde, moi c'est Nathan. Je m'intéresse pas mal au sujet du GN comme média. Au sens de l'utiliser pour pouvoir toucher des personnes sur certains sujets, etc. Et donc, du coup, voilà, la question de l'inclusivité sur la GN, ou à minima des choix qu'on fait par rapport à ça, me semble essentielle. Voilà. Bon, du coup, moi, c'est Ludo. Je suis à la Sénat depuis leur premier GN, je crois. Et globalement, l'inclusivité en GN, c'est un sujet qui m'intéresse globalement pas mal. Je pense que là, je vais plus juste écouter plus que parler. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Mais voilà. Bon, un des éléments de réflexion qui m'a pas mal inspiré, c'est une intervention d'une game designer états-unienne durant Cloud Punk 2017 à Oslo, qui s'appelle Maury Brown, et donc a animé une conférence sur designer l'inclusivité. Et donc notamment dans les niveaux de l'écriture, bon là c'est une liste non exhaustive de choses auxquelles réfléchir justement pendant que tu es dans le processus d'écriture, comme bon les questions de genre, donc homme-femme, la non-binarité aussi à prendre en compte, les questions de race et ou d'ethnie, les questions de type de corps aussi dans la répartition des rôles. Les niveaux d'expérience entre les joueurs et les joueuses confirmées et novices. La question de l'habileté, donc de la capacité qu'ont les personnes à faire quelque chose. La question des nationalités et des cultures, comment ça peut impacter le jeu ou pas. La question des styles de jeu, notamment avec c'est pas vraiment l'émergence, mais... La place de plus en plus présente du design collaboratif. Pardon. La question des préférences, tout simplement. Préférences de jeu. La sexualité, la taille, les conventions de beauté, le capital social, etc., etc. Au niveau de la représentation de l'univers aussi, c'est important de se poser la question de comment on voit le monde, comment on répartit les positions de pouvoir, puisque ce sont des schémas qui, même s'ils sont fictionnels dans le cadre du GN, font toujours directement ou indirectement référence à ce que l'on peut vivre dans notre société, dans notre monde réel. Et donc, qui peuvent impacter les participants et les participantes de fait. Il y a aussi la question de se poser la question de qu'est-ce qu'on nommait quand on essaie d'être inclusif. Parce que généralement, on se pose plein de questions, mais c'est aussi important de se poser la question de ce qu'on oublie. Donc, notamment, elle pensait que c'était important de faire attention à tout ce qui est appropriation culturelle, puisque, a priori, quelque chose que l'on pourrait penser totalement anodin pour nous peut être vécu soit comme une erreur, soit comme un affront par une personne qui serait issue d'une autre culture. Je m'arrêtais là pour laisser la parole. Sur le sujet de l'appropriation culturelle, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas exactement clair. C'est-à-dire, je comprends tout à fait le besoin de... Je comprends tout à fait, en fait, le besoin de reconnaître les ramifications culturelles d'une, que ce soit d'un élément de costume ou même d'un élément de civilisation, comme là, je parle, puisqu'on est sur l'inclusivité, je pense notamment au genre deux esprits des Premières Nations États-Unis. Ah oui, je ne sais pas du tout ce que c'est le Knutpunk, donc pareil, voilà. Mais du coup, je pense que ce qui est important au final dans le fait d'incorporer à toute forme d'écriture, qu'elle soit rôlistique ou même fictive, enfin, d'une manière générale, c'est de reconnaître ses inspirations, de ne pas faire comme si elles étaient apparues ex nihilo. Là, je pense par exemple à Star Wars, qui a utilisé énormément dans ses costumes des inspirations des tribus nomades de asiatiques, je ne sais plus lesquelles exactement, là, excusez-moi, je viens de courir. Et donc voilà, je pense que si on peut, en fait, dans ce qu'on écrit, dire, donner les inspirations et montrer quelque part que c'est, bah, que c'est un hommage et que c'est pas une, que c'est pas une bâtardisation, comme par exemple les Redskins, enfin, l'équipe des Redskins au football américain, je pense que ça peut être bénéfique, ça peut même avoir une vertu d'éducation, mais je suis ouvert à la discussion, quoi. Alors, avant de rebondir sur ce que tu viens de dire, Epson, le Knutpunkt, c'est une convention de gènes nordiques qui se tient dans les pays du Nord, donc Danemark, Finlande, Suède et Norvège alternativement, depuis 1997, je crois. Et c'est un lieu d'échange et de rencontre qui va, dans lequel, on va dire, plusieurs sujets vont être abordés et souvent de façon assez profonde. Donc, c'est un haut lieu, on va dire, d'élaboration théorique du gène. Ça, c'est pour le Knutpunkt. L'appropriation culturelle, ça peut être défini comme, et là, je suis en train d'inventer une définition, donc ça vaut ce que ça vaut, comme l'usage de caractères propres à une culture qui n'est pas la nôtre en vue de faire de l'argent, de faire de l'exotisme, en vue de n'importe quel usage, en tout cas, qui les détournerait et qui les priverait, on va dire, les personnes qui ont émis cette culture-là ou ces traditions-là de base, de la possession de leur culture. Par rapport à cette question de l'appropriation culturelle, pour rebondir sur ce que tu disais, Revston, je pense qu'il y a quelque chose de très fondamental pour tout ce qui est inclusivité, par ailleurs, c'est... est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on fait contre ? Il y a un proverbe qui traîne là, je ne sais même pas qui l'a dit en premier, parce que j'ai cherché la référence récemment et je n'ai pas trouvé. C'est ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Concrètement, avec la meilleure intention du monde, si vous faites un GN pour mettre en avant la culture des Indiens d'Amérique et que vous ne parlez à aucun Indien d'Amérique, ça va mal se passer. Même si avec la meilleure intention du monde, vous allez dans l'appropriation. Par contre, si vous avez des échanges, si vous discutez avec les personnes, là, vous pouvez être dans quelque chose qui sera plus un hommage ou quelque chose qui sera destiné à éclairer et à faire... La voix est coupée, non ? Pas du tout ? Pardon. Est-ce qu'on m'a compris ? Oui, à peu près. Très bien. Alors, je vais prolonger ce que disait Axel sur l'appropriation culturelle. De ce que j'en comprends, une notion fondamentale à prendre en compte pour savoir si ce qu'on est en train de faire est de l'appropriation culturelle, c'est pas tant l'intention, ça compte bien sûr, mais le rapport de force. Ainsi, les Indiens d'Amérique, ils ont été massacrés par les descendants des Occidentaux. Donc même si nous, on n'est pas directement le peuple qui les a massacrés, il est quand même, ce peuple est connecté au nôtre. Donc on a une certaine responsabilité par rapport à ça et on doit être prudent. En revanche, si on emprunte quelque chose de façon respectueuse, tout ça quand même, c'est toujours le minimum, à un peuple avec qui on n'a pas eu un rapport colonial ou autre, ça pose quand même déjà beaucoup moins de problèmes. Typiquement, Star Wars avait été cité, il y a eu beaucoup de choses qui sont empruntées à la culture japonaise. Le Japon n'a pas un rapport colonial avec nous. De ce que j'en sais, ils prennent bien le fait qu'on reprenne des éléments de leur culture, que les mangas, que des tas de choses aient du succès en Occident. Du coup, quand le rapport de force est égalitaire, on peut se permettre plus facilement de faire des emprunts à une culture autre que la nôtre. Je vais juste intervenir sur un point, c'est que, c'est plus un constat que, enfin, deux points, pardon. Le premier point, c'est plus un constat qu'une intervention. C'est qu'en fait, j'étais en train de me repasser les GN auxquels j'avais participé dans ma tête. Et en dehors d'un contexte de GN nordique, il me semble que chaque fois que j'ai participé à un GN, le cas de l'appropriation culturelle était présent dans l'univers du jeu et il n'était absolument pas traité ni géré. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de poncifs et de stéréotypes, en particulier au niveau des accents qu'on pourrait qualifier de racistes assez facilement, sur lequel il n'y a pas trop de débat sur le fait que ce soit des accents racistes, qui étaient présents sur ces GN-là. La question que je me pose, c'est, au niveau de l'inclusivité, comment se comporter quand on est sur ce type de GN par rapport à ça, pour des personnes qui pourraient se sentir visées parce qu'on ne connaît pas les origines de chacune des personnes sur un GN. Et d'autre part, je voulais savoir si les problématiques autour de la blackface sur le rentrer dans ce cadre-là ou pas, parce que c'est pas un problème, ça traite plus du racisme que d'un problème d'appropriation culturelle, mais ça me semble être quand même lié, je sais pas trop. Dans le cas particulièrement des elfes noirs, à qui on impose généralement au niveau de l'organisation de se repeindre concrètement la tête en noir. Et voilà. Et ce point-là m'intéresse particulièrement parce que je joue Elf Noir sur un jeu et que à l'époque où j'ai commencé à jouer le personnage, je n'étais pas conscient de toutes ces problématiques-là. Voilà. Alors du coup, justement, par rapport à tout ce qui est le rapport de force et donc le blackface, etc. Bon, déjà, je vais définir le blackface. C'est le fait de se maquiller de manière à ressembler à un noir, donc qui a commencé donc avec la tradition des ménestrels dans le sud américain qui en gros faisaient des chansons en étant déguisés en noir entre guillemets. Et souvent ils avaient des personnages un petit peu, souvent très très comiques et très très très très racistes, hein, y a pas d'autre mot. Mais alors déjà sur le thème des elfes noirs, je pense que en général la couleur de peau noire, ça dépend après du jeu en question, mais en général cette couleur de peau n'est pas une couleur de peau naturelle pour les humains. En général c'est des noirs avec des tons plutôt bleutés, voire carrément violets. Je pense notamment par exemple aux Drows dans les Royaumes oubliés, par exemple, où là on a clairement Drizzt Do'Urden qui est représenté comme ayant vraiment une couleur violette. Donc je pense pas que dans ce cas-là ça soit un problème. D'autant plus qu'en général les elfes noirs sont pas représentés comme ayant une culture particulièrement inspirée afro-américaine. Et du coup je pense que ça peut être intéressant pour, dans le cadre de cette problématique, de s'intéresser notamment à aux évolutions qu'ont suivies les gammes Donjons et Dragons et Pathfinder, qui, eux, pour le coup, on essaye de faire beaucoup d'efforts au niveau de l'inclusivité. Ils ont inclus énormément de peuples de toutes couleurs de peau et ont inclus énormément de personnages de toutes orientations. Je pense notamment à Pathfinder, le personnage qui représente la classe de paladin est une femme noire lesbienne. Il me semble qu'elle est trans en plus, mais enfin bref, je n'ai pas tous les détails en tête, mais il me semble que je suis à peu près sûr qu'elle est noire et lesbienne. Donc il y a cette problématique-là, mais d'un autre côté, à ce moment-là, il faut se demander en fait si dans un cadre fictif, dans quelle mesure, ce rapport de force en fait est représenté dans un univers de fantasy qui va souvent ne pas avoir grand chose à voir avec des véritables ethnies du vrai monde, de la réalité véritable dans notre monde qui existe. Et du coup, est-ce que ce rapport de force en fait est toujours présent si l'ethnie en question n'a rien à voir? C'est juste qu'il se trouve que l'ethnie des Carcarosien, qui vit dans un coin qui est très chaud et désertique, et qui sont, je sais pas, on va dire des adeptes de la technologie, par exemple, parce que ils essayent de terraformer leur désert. Est-ce que si tu joues quelqu'un qui vient de ce coin-là, est-ce que c'est vraiment grave si tu te retrouves, que ce soit en JDR sur table, à jouer un personnage noir ou en GN à jouer avec de la blackface? Je me demande, est-ce que c'est vraiment grave là, dans la mesure où c'est juste tu incarnes une partie d'un univers et que, en soi, cette couleur de peau est totalement détachée en fait de toutes les connotations qu'on peut lui accorder dans notre monde. Et d'un autre côté, est-ce que sinon se détacher de ça, c'est pas effacer les problèmes qui sont dans notre univers en fait? C'est la question là c'est le problème que me pose beaucoup la blackface personnellement. Alors c'est super intéressant les deux points que vous soulevez. Je vais essayer de me prononcer sans trop me perdre. Alors pour moi la question en fait de la couleur de peau, elle est plus symbolique qu'autre chose. Alors même si à l'analogie elfe noir. Afro-américain, on peut la faire. Pour moi, c'est plus comment dans un univers de fiction tu définis en fait des rapports sociaux et qui vont symboliquement renvoyer en fait à des rapports sociaux déjà existants dans notre société, dans notre histoire. Et c'est pour ça que ça ferait une transition vers l'aspect des règles justement que j'évoquais en présentation sur comment l'équipe d'organisation, l'équipe qui crée le jeu, en fait, communique sur cette dimension symbolique et du coup clarifie en fait sa position. Parce que tout à l'heure, tu témoignais du fait qu'il y avait les accents racistes, ce genre de choses. Alors, ça peut très bien être fait de manière non intentionnelle parce que on allait chercher quelque chose qui faisait un petit peu exotique, mais ce faisant, donc il y a des personnes qui vont tout à fait adhérer à cette proposition, et en soi, il n'y a aucun mal, c'est pas du tout exclu de continuer à faire des jeux où on dit, pour interpréter votre personnage au mieux, il faut avoir un accent exotique. Pour autant, il y a plein de personnes qui vont s'estimer exclues, parce que ce point-là, en fait, a été affirmé dans le design du jeu. Alors comment réagir en jeu, ça j'avoue que je n'ai pas trop la réponse, mais par contre, pour ce qui est de penser ça en amont, justement, je pense qu'il faut vraiment y faire attention et se poser la question de qu'est-ce qu'on invoque au niveau de la tradition. Donc l'exemple de la blackface est très criant parce que si c'est une tradition, qui date d'il y a un bon paquet d'années. Et pour pas mal de personnes, comme c'est une tradition, elle n'est pas à questionner. Or, si on se pose la question de l'inclusivité, c'est important de questionner les éventuelles traditions que l'on voudrait utiliser. Parce que posez-vous une question toute simple, mais la proportion de personnes d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine asiatique, qui font du gène autour de vous. Moi, personnellement, c'est quasiment exclusivement des blancs que j'ai autour de moi. Et donc, est-ce que c'est parce que la communication autour du jeu fait que ce sont principalement ces communautés-là qui vont être ciblées, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des éléments dans les jeux qui ne les attirent pas du tout? Voilà, c'est la question de l'inclusivité peut aussi être posée à ce niveau-là. C'est, est-ce que dans la manière qu'on a d'écrire, on exclut des personnes sans le savoir? Alors, moi, je voulais revenir donc, sur la question des elfes noirs et de la blackface. Alors, pour les elfes noirs, j'ai un tout petit peu joué elfes noirs et surtout, en région parisienne, je suis en contact avec beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont fait partie d'une association qui faisait du jeu où il n'y avait que des elfes noirs. Donc, à la base, c'est un Feyrundin, ça s'appelait. Ça date, c'était très old school, mais le projet qui était avant-gardiste à l'époque était de faire un jeu où les femmes avaient le pouvoir. Donc, c'était quand même un jeu qui était basé sur une volonté d'inclusivité pour les femmes. Ensuite, comme c'était old school, il n'y avait pas les safe words, tout ne s'est pas bien passé. Mais voilà. Par rapport, donc, les liens éventuellement entre elfes noirs et blackface, l'expérience et les retours que j'en ai eus, c'est que personne ne faisait de lien entre ça. C'est-à-dire, il y avait des personnes racisées qui jouaient des elfes noirs et qui se maquillaient, donc qui mettaient du maquillage noir par-dessus une peau brune, avec les cheveux blancs, les oreilles, donc il y avait vraiment une... Pour eux, ça, c'était vraiment déconnecté. Et par ailleurs, il m'est arrivé de me déplacer, je ne sais pas si je le ferai encore aujourd'hui, mais à l'époque, il m'est arrivé de me déplacer dans les transports en commun en étant déjà grimée. Et donc, j'habitais dans une banlieue populaire et donc j'étais dans des transports en commun avec énormément de personnes racisées. Et tout le monde avait l'air de trouver ça cool, enfin, du peu que j'en ai vu, j'ai pas eu l'impression qu'ils aient été blessés, qu'ils l'aient senti comme quelque chose d'insultant. Ensuite, bon, c'est une expérience très réduite, donc on peut pas en faire de généralisation. Ensuite, pour la blackface, ou tout simplement le fait de se grimer pour ressembler à un peuple sur un GN, je me suis pas mal posé de questions sur le sujet. Car en effet, ça devient très vite offensant, que ce soit donc la blackface ou les maquillages pour faire asiatique, qui sont vite caricaturaux, etc. Les réflexions que j'ai eues, donc c'est juste des débuts de réflexion et rien de plus, c'est que si tout le monde joue, par exemple, des asiatiques, ben dans ce cas-là, il n'y a aucun besoin de le marquer, puisque tout le monde en est. Le besoin d'un maquillage ou d'un élément de costume spécifique, elle n'est là que quand c'est pour faire une distinction par rapport à d'autres. Et donc, j'ai été sur un GN où il y avait un personnage noir qui était joué par une copine à qui ça a posé un gros problème moral, car c'est une militante et au départ, elle ne voulait vraiment pas se grimer. Finalement, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que le plus important, c'est de ne pas faire de mal aux autres. Donc, elle s'est finalement grimée, mais en faisant un petit discours aux gens qui étaient présents pour qu'ils comprennent son intention. Et derrière, elle a strictement interdit la diffusion de photos d'elle grimée pour éviter d'offenser des gens. Voilà, en gros, c'est une approche pragmatique, utilitariste. On s'intéresse surtout aux conséquences. Et là, on veut éviter la conséquence de blesser des gens. Déjà, j'aimerais bien qu'on parle également d'autres sortes d'inclusivité, puisque là, on parle effectivement de l'inclusivité des personnes racisées et plus fondamentalement de qu'est-ce qu'on a le droit de faire en termes de représentation des personnes racisées dans le jeu. Mais bon, j'aimerais bien partir un petit peu sur d'autres questions et pour orienter ce truc-là, je pense qu'une question qu'il faut qu'on se pose dans tous les cas quand on écrit un GN, et quel que soit ce GN, c'est d'abord à qui est-ce que je nuis potentiellement ? C'est une question, est-ce que je suis susceptible de faire du mal à quelqu'un en faisant ce que je fais ? Ensuite, de qui et de quoi est-ce que je parle ? Et enfin, pourquoi est-ce que je le fais ? Parce que rien n'est gratuit, en fait. C'est quelque chose qui est ressorti sur la table ronde que j'ai faite à Bétalarp sur l'écriture d'un GN queer. C'est, bon là c'était pour la question du genre, on utilise le genre, si on met le genre dans un GN, si on le marque, alors le genre doit avoir une importance. C'est la métaphore du fusil de Tchekhov. Si il y a un fusil dans la pièce au début du film, alors ce fusil finira par servir. C'est pareil pour le genre, c'est pareil pour les marquages de race de nos personnages. Il faut qu'ils aient un impact. Il faut qu'on ait réfléchi à est-ce que c'est pertinent dans l'univers que j'ai envie d'établir et dans le propos que j'ai envie de tenir. Alors du coup, c'est intéressant que tu ressentes le débat sur le genre. Je vais juste faire une petite parenthèse, revenir très très très vite sur la blackface. Et en fait, non, j'ai oublié pourquoi je voulais le faire, donc on laisse tomber. Non, donc ouais, sur le genre, en fait, je pense aussi qu'il faut, au niveau du propos, en fait, il y a toujours des tas de choses à explorer dedans. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc qui est assez peu exploré dans le GN, mais d'un autre côté, qui est assez peu exploré dans le GN mainstream. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a des tas de trucs rigolos à faire avec ça. Pour une certaine valeur donnée de rigolo, bien sûr. Hein, je suis une personne qui trouve très très rigolo de passer une soirée entière à pleurer. Hein, donc voilà, c'est prendre avec des pincettes. Mais dans l'idée, par exemple, justement, plus tôt dans la journée, j'ai envoyé à Axel un jeu de rôle narrativiste dans lequel les joueurs jouent des membres d'une enclave queer dans un monde plus ou moins post-apocalyptique. Et du coup, ce qui est très très intéressant, c'est que les joueurs jouent des archétypes, en fait, et chaque archétype a plusieurs genres possibles qui sont une partie intégrante du jeu, pas mécaniquement, mais d'un point de vue narratif. Et certains de ces genres sont des genres tels qu'on les connaît aujourd'hui, hein, donc genre fluide, genre, bi-genre, xénogenre, avec même les subtilités que sont femme et butch, etc. Voire fudge. Et il y en a certaines autres qui sont un petit peu moins conventionnelles, comme Dagger Daddy, ou bien Corbeau et Gargouille. Ce sont des genres. Et alors, connaissant en fait l'éditeur qui est Buried with Ceremony, qui ont l'habitude de faire justement des qui sont ben justement l'intérêt, c'est que alors on me demande de définir les genres de Dagger Daddy, de Corbeau et de Gargouille. Et ben justement le jeu te demande de ne surtout pas définir, enfin de ne surtout pas définir par avance ça. C'est juste que le joueur qui va décider de jouer avec ces genres-là va devoir explorer en fait qu'est-ce que ça pourrait être comme genre, parce que après tout c'est l'apocalypse, c'est une bande de gens qui de base étaient queer, sauf que là en plus il y a des conneries de mutations, des pouvoirs psychiques, etc., et c'est le bordel. Donc comment est-ce que les codes genrés peuvent évoluer dans une société justement comme ça, avec donc des gens qui étaient déjà marginalisés par rapport à leur genre et qui commencent à construire une nouvelle forme de genre en fait. Et en fait, le jeu encourage à avoir des conflits qui vont être donc de s'interroger sur est-ce que tu es, par exemple, il y a le personnage du fournisseur qui peut être justement quelqu'un qui aide les autres et qui les aide à se sentir bien dans leur peau, et en même temps qui pourrait être complètement le genre de personne complètement gay, qui exclut complètement les gens qui correspondent pas à sa vision de comment on doit définir le genre. Comme par exemple, ça pourrait être il pourrait être exclusif des trans, ou bien il pourrait partir du principe que, comme il faut abolir le genre pour éviter le patriarcat et l'oppression, toute personne qui se réclame d'un genre alternatif est finalement complice du patriarcat. Enfin voilà, ça peut être ce genre de truc. Mais il y a donc plein de débats à engager en jeu pour faire du drama, hein, globalement, ça reste ça. Hein. Et donc du coup on pourrait se dire que c'est de la parodie type Forkchanesque qui nous avait sorti le Clover genre, que je ne vais pas expliquer parce que je refuse d'exposer des gens à la saloperie qu'est ça. Ils cherchent pour la recherche eux-mêmes, parce que c'est vraiment quelque chose de terriblement toxique et dégueulasse qu'ils ont fait, mais en fait non, parce que justement les éditions Buried Without Ceremony sont des gens qui ont justement fait plusieurs jeux de rôle queer, et je trouve que c'est intéressant de se poser la question donc du coup comment on peut explorer non seulement les genres qui existent, mais aussi potentiellement comment les genres pourraient être explorés dans d'autres univers. Je peux peut-être éventuellement juste sur une petite, enfin, juste une réflexion, parce que quand tu crées un genre à partir de zéro, que tu essayes d'intégrer diégétiquement dans un univers, enfin, tout dépend si le jeu est à autorité partagée ou pas, mais s'il y a une meneureuse, il faudra voir comment le gérer par rapport aux constructions sociales, en fait, parce que si c'est un genre qui est en termes de ressenti, mais que du point de vue de son expression, ben, ça ne s'inscrit pas dans un système, il risque finalement de passer inaperçu ou d'être le reflet plus d'une individualité unique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Et il y a toujours ce concept de performativité, c'est-à-dire que ce genre va se construire entre l'identité, et l'expression et l'environnement qui va réagir en fonction du genre. Je voulais soulever un point quand on a parlé des marqueurs. C'est que, en fait, les marqueurs, en fait, ils relèvent, concrètement, ça relève soit des règles explicites, dans le cas où les règles indiquent clairement que tel ou tel marqueur doit être associé à tel ou tel type de personnage pour telle ou telle raison, soit des règles dans le cadre des règles implicites, c'est-à-dire que je suis à peu près certain que si un GN dit il y a des elfes, mais que ces elfes, mais sans préciser quoi que ce soit sur la longueur de la taille des oreilles, qu'on va avoir la majorité des personnes qui vont débarquer avec des oreilles dites d'elfes, alors que ça n'aura pas été précisé dans le jeu. À ce moment-là, il s'agira d'une règle implicite parce que ça aurait été compris comme tel par une majorité de personnes. Ensuite, pour rebondir sur ce qui a été dit sur les propositions de genre, ou de genre alternatif, il y a un biais énorme qui me semble très difficile à éviter. C'est toute la problématique sur le fait que les personnes présentes, pour que ça puisse fonctionner, soit déjà à un stade avancé de la déconstruction du genre, sachant que même dans ce cas-là, on aura tous et toutes des difficultés en termes de... tout le monde aura des difficultés en termes de arriver à surpasser les constructs sociaux par rapport à ça, dans la mesure où il y a toujours des choses qui restent imperceptibles et qu'on fait quand même. Ce qui fait que ça revient... Ça peut être jouable et intéressant d'un point de vue expérimental, mais en pratique, j'ai un peu peur que les dynamiques de genre auxquelles on est habitué dans notre société prennent le dessus sur les dynamiques de genre que le jeu essaie de mettre en place, malheureusement. Alors, je comprends très très bien les remarques donc de Furen et de Daron. C'est des remarques tout à fait valides. Du coup, pour apporter un petit peu de détails sur ce que je disais, en l'occurrence, Dream Ask You, le jeu dont je vous parle, l'enclave queer, ne contient pas de meneureuse de jeu. Il n'y a que les joueurs et les joueuses incarnent tour à tour à la fois leur personnage et des éléments du setting, mais ça c'est un détail. Mais du coup, en GN, c'est vrai qu'on a ce problème-là, parce que autant sur un jeu sans MJ, on peut qui est autour d'une table à 5-6 personnes, grand max, c'est très facile en fait c'est assez facile d'organiser une certaine une certaine introduction à la déconstruction du genre pour avec des niveaux plus ou moins avancés de celle-ci, hein, parce que après tout on peut avoir juste une partie où les questions de genre sont moins abordées que des questions finalement que des questions tout simplement de survie et d'interrogation. D'ailleurs, pour définir la construction, hein, au passage, l'idée de la déconstruction, c'est que c'est de faire un travail sur soi pour entre guillemets s'analyser et reconnaître en fait les différents privilèges qu'on peut avoir, les différents préjudices, et en gros avec quelles lunettes on est né sur le pif qui font qu'on va pas voir les couleurs comme les autres. Personnellement, je suis assigné mal à la naissance. Je sais que grosso modo, beaucoup de mes névroses vont être axées sur le fait que je dois me trouver une femelle dans laquelle planter ma graine pour me reproduire, mais parce que la société telle qu'elle est m'a poussé à penser comme ça, l'entourage que j'ai eu m'a poussé à penser comme ça. Et donc du coup, c'est un gros travail sur moi pour ne pas être le dernier des queutards en fait. C'est parce que, bah, tout simplement, c'est comme ça que j'ai été, c'est comme ça que j'ai été élevé, entre guillemets. Ça n'excuse rien, mais en me déconstruisant, je peux analyser les mécaniques qui me poussent, en fait, à penser comme je pourrais le faire, de manière à m'en prévenir. Ça, c'est la déconstruction béaba. Du coup, en GN, comment penser la déconstruction? Bah déjà, le problème, c'est que personnellement, je n'ai jamais fait de gène nordique. Voilà, je le dis, j'ai surtout fait des gènes classiques et j'ai toujours pensé j'ai toujours beaucoup pensé le jeu en termes de, beaucoup en termes de règles que je qualifierais de mécanique purement ludique, en fait, quelque part, plus que rôlistique, au final. Mais au final, la question posée est la même, hein, c'est comment à travers les mécaniques, autant qu'à travers l'univers, on peut aborder les thématiques qui nous intéressent, on peut construire un propos, tout simplement. Et surtout, comment avec notre bagage, donc avec cette construction qu'on a derrière et qu'on n'a pas forcément complétée, on peut s'amener à se déconstruire, surtout si, surtout dans le GN, qui est un milieu qui est quand même relativement fermé au reste du monde, hein, très peu de jeux. De mon expérience, là, ça commence à se populariser, parce qu'à l'ère de l'information, c'est de plus en plus connu. Enfin, les jeux de rôle, tout comme les jeux vidéo, sont de plus en plus connus du grand public. Mais n'empêche que c'est assez épais. C'est vrai que quand j'en parle à des gens, à des non-initiés, pour les gens, c'est très, très... Ne serait-ce que le fait de taper quelqu'un avec une épée en mousse et de dire deux, c'est quand même assez opaque comme concept, et assez alien, en fait. Et au final, donc, si en plus, on introduit aux consommateurs de base des notions de xénogenre, etc., c'est clair que ça va être complexe. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un truc à faire en grade et que c'est des questions à se poser aussi en prenant en compte l'échelle du GN. C'est-à-dire que, par exemple, à Candoria, je ne vais pas chercher à aborder les questions de genre autrement que dans mon RP à moi, là, tout de suite. Si j'étais orga, je me retrouverais avec minimum une centaine de joueurs à axer vers un truc. Je pense que si j'inclus des thématiques de genre, ce sera quand même globalement anecdotique, parce que le but, ce sera surtout qu'il y ait un objectif clair, genre le trésor, il est là-bas, il y a un gros monstre entre vous et le trésor, tapez le monstre. Et des variations sur comment insérer clé métaphorique dans serrure métaphorique. Alors que dans un GN à 20 personnes, voire 10, comme le lierre et la vigne ou une tranche de toit, ce sera peut-être plus facile. Alors, je voulais revenir sur le concept de calibration culturelle et ce que tu disais sur le fait que on peut pas aborder ce genre de thématique avec des personnes qui sont pas déjà à un stade avancé de déconstruction. Alors déjà, un atelier que je trouve assez essentiel dans pas mal de jeux et qui gagnerait vraiment à être généralisé, c'est vraiment le concept de calibration culturelle, où ni plus ni moins, en fait, on organise un atelier ou en tout cas un temps avant le début du jeu, afin de calibrer les différents éléments constitutifs de la culture de l'univers avec les participants et les participantes. Donc typiquement, si on dit, voilà, dans mon jeu, je prends l'exemple de l'elfe, il y aura des elfes, il y aura un atelier pour définir ce qu'est un elfe, ou alors vous aurez accès à des éléments en amont sur un forum ou que sais-je, pour savoir comment sera défini un elfe dans le jeu. Ceci de manière justement à calibrer culturellement, en fait, l'elfe, et que tous les participants et participantes aient à peu près la même vision de ce que c'est. Et une fois que cette vision-là a été validée ou clarifiée par tout le monde, on peut passer à un stade plus avancé de « bon, mais maintenant que tout le monde sait que l'elfe, il est comme ça, comment on va définir les éléments constitutifs de nos personnages, de nos arcs narratifs, ou que sais-je, voilà. » Et donc, ça permet, en fait, de très simplement passer un niveau au-dessus. Typiquement, un exemple que j'aime beaucoup, ça permet d'éviter, en fait, de découvrir au bout du troisième jour de GN que la personne qui est à côté de toi, c'est ton frère, ou alors c'est quelqu'un avec qui tu as une relation. Bah, comme tu l'as calibré culturellement juste avant, tu peux avoir cet élément-là pour aller plus loin. Alors, pour ce qui est de la question de, Bon, je reste sur le genre. Pour moi, ce n'est pas impossible, même au contraire, en tant que créateur ou créatrice, de proposer à 100 ou 1000 personnes de se poser la question du genre ou de quoi que ce soit d'autre, à partir du moment où ça fait partie de ton design. Si, pour un exemple tout simple, mais dans un jeu, tu dis, voilà, dans l'univers, il y a des hommes, des femmes et un genre neutre. Et donc, vous pouvez choisir des personnages de type homme, de type femme et de type neutre. Et dans le cadre du design du jeu, ces trois, en fait, ces trois éléments-là auront une importance et on va donner du jeu et on va structurer tout ça. Bon, mais tu as déjà, en fait, défini un élément constitutif de ton système de jeu, de ton univers et donc symboliquement aussi de ce à quoi les joueurs et les joueuses auront à penser, sans pour autant leur demander de lire des thèses, en fait, ou des conférences sur le sujet. Et après, il y a des personnes qui seront peut-être déjà, des joueurs et des joueuses qui seront peut-être déjà plus avertis, qui vont interpréter leur personnage de manière plus poussée, mais une personne qui n'a absolument pas réfléchi au sujet avant sera quand même en capacité, en fait, de l'aborder. Et ce n'est pas plus compliqué, parce que moi, ça me paraît plus compliqué, en fait, d'avoir à gérer un système de règles avec des plus 2 ou des plus 3 quand tu n'as pas l'épée, par exemple. Donc, je ne pense pas du tout que la population soit dans l'incapacité, en fait, d'accéder à ça, mais c'est vraiment une question à se poser dans le design. Et que si c'est quelque chose à laquelle on est sensible, c'est-à-dire comment je la rends accessible au plus grand nombre, et comment surtout aussi je ne mets pas mon militantisme avant, en fait, avant le design du jeu aussi. Parce que ça peut, il y a aussi le risque qu'en étant trop ostensiblement militant, on fasse fuir des gens, en fait, alors que ce n'est pas le propos. Et donc ça rejoint aussi un petit peu le fait que les GN sont peut-être fermés parce que la question de l'accessibilité justement et de l'inclusivité se pose peut-être dans un second temps, une fois qu'on a défini ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait jouer, ce qu'on aimerait faire jouer, mais sans avoir ensuite retravaillé, en fait, ces éléments-là pour les rendre les plus simples possibles à comprendre, voilà, ou à appréhender. Ok, alors concernant ce que tu viens de dire sur les moyens à mettre en place pour faciliter l'assimilation, en fait, du design du jeu par les joueurs et les joueuses, ça rejoint ce que je disais sur le « rien n'est gratuit et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose dans le design et comment on le fait aussi ». Tu parles des ateliers et dans le but de rendre cet enregistrement plus inclusif, je vais en dire juste deux mots. Les ateliers, c'est une pratique qui vient précisément de ce dont je parlais tout à l'heure, donc du GN nordique, plutôt le Knotepunkt, etc., que j'évoquais. Ça consiste à faire des exercices ou des discussions, enfin mettre en place des ateliers avant le jeu pour définir certains points qui peut-être pourraient être compliqués à appréhender de façon comme ça, là, seulement en arrivant. Par exemple, ça peut être des ateliers qui vont nous apprendre à jouer un genre pour nous détacher de la façon dont nous-mêmes on joue notre propre genre au quotidien, ou ça peut être des ateliers pour créer des relations, pour se sentir plus à l'aise. Il y a une infinité de sortes d'ateliers. Ensuite, il y a quelque chose qui me dérange dans la discussion, c'est qu'on parle beaucoup des personnages, finalement, de qu'est-ce qu'on peut mettre dans les personnages, et peu des personnes. Il y a en fait une tension entre ce qui est diégétique, donc diégétique, c'est-à-dire qui appartient à l'intrigue, et ce qui est extra-diégétique, donc ce qui est en dehors de l'intrigue ou de la narration. De façon diégétique, à l'intérieur de la narration, il y a effectivement des choses auxquelles il faut faire attention. C'est le cas de l'appropriation culturelle, de l'adjonction de certains genres, etc. Mais il faut aussi faire attention à quelle image qu'on renvoie de façon extra-diégétique. Par exemple, est-ce que dans ma note d'intention, je mets personnage accessible aux deux genres, ou est-ce que je mets personnage accessible quel que soit votre genre ? Ça change tout à fait. Pareil, est-ce que je dis les personnages seront castés selon le physique du joueur ou de la joueuse, ou est-ce que finalement on s'en fiche ? Il y a des tas de choses comme ça qui comptent. Ensuite, il y a un point que j'ai noté tout au début et que je voulais évoquer, que je sors du Knotepunkt auquel j'étais le week-end dernier. Il y a une personne qui a fait un topo sur la sécurité en GN. Elle s'appelle Nina Niskanen, je crois. elle parle, elle évoque le fait qu'en fait, il y a deux formes de sécurité, donc de safety. Il y a safe from, donc là, on parle de la prévention, c'est-à-dire est-ce que je suis, par exemple, je suis en sécurité par rapport à, au harcèlement, ou je suis en sécurité par rapport à ce que, choses que je ne voudrais pas faire, je ne vais pas être mise ou mis dans des situations qui ne me correspondent pas, etc. Et il y a le safe to, c'est-à-dire aussi dans quelle mesure est-ce que moi, je peux me permettre de faire certaines choses ou dans quelle mesure je suis capable, par le design du jeu, de faire une chose. Dans le safe to, bien sûr, il y a toute la question de la sécurité, de la logistique et de l'inclusivité matérielle des jeux qu'on veut proposer. Dans le safe from, il y a peut-être des choses plus de l'ordre de la prévention, de est-ce qu'il y a un safe word ? Un safe word, c'est-à-dire un mot ou des mots, il peut y en avoir plusieurs, qui permettent d'interrompre vraiment le jeu à un moment, de dire ok là c'est bon j'en peux plus, mais plutôt que de dire c'est bon j'en peux plus, qui pourrait être pris comme quelque chose que mon personnage dirait, je vais dire mettons cut, et cut ça veut dire stop quoi, j'arrête. Donc le safe word c'est du côté du safe from, par contre une accessibilité, bah, par exemple si je suis, j'en sais rien moi, si je suis en situation de handicap, une accessibilité de est-ce qu'il va y avoir, tout bêtement, est-ce qu'à tel endroit du jeu, je peux m'y rendre ? Est-ce que c'est possible pour moi physiquement de m'y rendre ? Ou est-ce que ben, finalement, tant pis pour moi ? Voilà, donc je voulais juste repasser sur l'extra-diégétique un petit peu, parce que c'est, il me semble que la question de l'inclusivité passe aussi par, et majoritairement peut-être, par l'image qu'on renvoie et les moyens qu'on donne pour amener les joueurs et joueuses depuis l'extérieur du jeu à faire ce qu'elles peuvent quoi, et veulent. Donc, je voulais simplement revenir, mais il y a déjà certaines choses qui ont été dites par les précédentes personnes. En fait, une des grandes difficultés lorsqu'on essaye de, ben justement de proposer aux gens de découvrir des genres moins connus, c'est que souvent les gens pensent d'abord à tout ce qui est apparence, tout ce qui est expression de genre physique, mais sans réaliser qu'en fait, ils ont toute une série de comportements et de pratiques qu'ils ont tellement intériorisés que justement, sans des ateliers, ils ne se rendent pas compte. Et au final, on se rend compte qu'en il y a des reconstructions, enfin, il y a une réintégration des comportements des différents genres dans le jeu. On pourrait prendre l'exemple de Madame the Boy, où justement, pour éviter cet écueil, il y a très peu de personnes de genre masculin qui sont autorisées, et il y a vraiment un travail en amont, et il y a des rappels à l'ordre en cas de problème dans le jeu. Enfin, voilà. Bonjour à tous, je ne me suis pas présenté, donc je suis Théo Hennequin, également cofondateur de la Scénaristory, et j'étais en train de travailler plus loin, mais j'écoutais tout ce que vous disiez très attentivement. Je vais juste résumer un peu ce qui s'est dit jusqu'à maintenant pour appuyer mon propos. Alors effectivement, pour créer un jeu de rôle grandeur nature, c'est un exercice assez difficile, parce que c'est un jeu dynamique. Et le plus souvent, un organisateur va apporter moins de choses que ce que vont apporter les joueurs. Au total, résumé, les joueurs vont apporter leurs costumes, leurs idées de personnages, leurs idées de ce qu'ils veulent jouer, souvent sans le contrôle de l'organisateur, donc il faut prendre ça en compte. Du coup, sur quoi on peut s'appuyer pour faire un GN ? On peut s'appuyer donc effectivement sur ce que fournit l'organisation, les règles, les documents de jeu, les ateliers, mais également en fait sur la culture du joueur. Est-ce qu'ils sont par exemple, éduqués au féminisme. Est-ce qu'ils ont des armes en mousse pour faire des jeux de rôle Medfan ? Est-ce qu'ils ont des airsoft ? Est-ce qu'ils ont, donc là, plus au niveau matériel, des armures, ce genre de choses ? Et là, on va pouvoir donc s'appuyer sur une communauté. C'est là où on saura qui a des armes, qui a une certaine éducation féministe, si on connaît éventuellement le féministe ou de problèmes de domination de race, de genre, ce genre de choses, quoi. J'ai oublié tout ça, ce qui est quand même important. Et voilà, donc on peut pouvoir s'appuyer sur une communauté. Et le problème, en fait, c'est d'ouverture du GN, c'est aussi ça, c'est qu'on demande aux joueurs, même sans forcément y penser quand on conçoit le jeu, mais un énorme effort de culture générale, ou de culture spécifique sur certains points, un effort d'investissement financier, mais c'est pas tout. Et l'inclusivité, c'est ça aussi. C'est réfléchir à que ben, si on veut inclure, par exemple, une forte sécurité morale et une forte sécurité émotionnelle, et dans ces cas-là, il faudra prévoir que les joueurs soient formés à ça, soit préalablement, soit sur le moment. Et déjà, ça peut écrémer pas mal de joueurs aussi. Et en fait, tout est une histoire de compromis de 1, de savoir ce que l'on veut faire, et donc de lettres d'intention de 2. Bien mettre en avant son intention de ce sera, on en mettra ça en avant, un aspect militantiste, un aspect maître-bourg, ça c'est pour utiliser le vocabulaire des gens qui se tapent dessus avec des épées. Bien mettre en avant ce que va être le GN, à quoi les joueurs devront être formés ou seront formés sur le moment par les ateliers pré-jeu. Et voilà, donc ça c'est ce que voilà, j'aimais bien rajouter et approfondir un peu sur les notes d'intention et sur ce que l'on pouvait faire avec le jeu de rôle Grandeur Nature. Voilà pour moi. Ok, alors ben c'est parfait puisque là c'est assez dans la continuité de ce que je, enfin Théo, ce qu'a dit Théo est assez dans la continuité de ce que je compte dire aussi. Donc là on a évoqué le fait que faire par exemple des jeux avec des genres qui n'existent pas, c'était difficile d'accès pour des gens pas déjà déconstruits, etc. Et donc ça pose en fait ça pose la question d'inclure des gens qui n'ont pas de culture féministe, de culture de la déconstruction. Et je pense que c'est tout à fait possible à travers des jeux qui mélangent des aspects de jeux, on va dire, traditionnels qui vont attirer un public plus large. Parce que bon, le GN nordique, j'adore ça, hein, mais c'est clair qu'il n'y a que les intellos qui y jouent. Alors que sur d'autres types de jeux, ça va attirer des publics plus larges et ça peut être l'occasion de les initier à certaines thématiques, de les initier à la déconstruction, en fait. Tout simplement, déjà, rien que par la finesse d'écriture, typiquement. Enfin, moi, j'ai écrit un GN romanesque à secret qui se passe pendant l'occupation, donc un style assez traditionnel comme jeu. Mais j'ai vraiment essayé que le genre soit un fusil de Tchekhov, que ce soit quelque chose de constitutif. Ce n'est pas le thème du jeu, mais il est présent. Et donc, j'espère que mes joueurs, en jouant ce jeu, en jouant les personnages, ont pu être sensibilisés à certaines questions en rapport. Et en effet, les ateliers, comme disait Théo, ça nécessite parfois des formations aussi. Et là, c'est là que les ateliers peuvent permettre. Et désolée, je fais une mauvaise transition parce que je mélange plusieurs choses. Ce que disait Furen sur les joueurs et joueuses qui reproduisent des comportements correspondant à leur genre quotidien. Typiquement, il y a un atelier que j'aime beaucoup, que j'ai repiqué sur le Mad About the Boy, qui commence par un tour de table où les gens qui s'identifient comme hommes et les gens qui s'identifient comme femmes donnent un geste, une attitude ou une façon de parler correspondant à leur genre, ce qui permet, dans le cadre de jeux où des joueurs et joueuses jouent des personnages qui ne sont pas de leur genre, de piocher des idées. Voilà, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Je voulais revenir sur la problématique des genres et sur l'exemple qui avait donné par je ne sais plus qui, désolé pour la personne, sur l'exemple d'un jeu avec par exemple trois genres, donc masculin, féminin et neutre. Et en fait, ce que je voulais dire, dans ce cadre-là, ça me paraît tout à fait abordable. La question qui me je réagissais spécifiquement sur la question de rajouter des xénogènes, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une difficulté spécifique par rapport à ça. Alors, les xénogènes, ce sont des genres non binaires dans lesquels des personnes s'identifient. Alors, arrêtez-moi si je raconte une bêtise, parce que je ne suis vraiment pas spécialiste. Bon, ça commence à être un peu poussé pour moi, ce genre de point. S'identifient à des notions. À des notions qui vont au-delà des genres habituels, comme par exemple des animaux, des couleurs ou des choses comme ça. Voilà. Et en fait, du coup, ce type de genre, c'est des genres qu'on peut le plus facilement inclure de manière diégétique et espérer que ce soit perçu par les joueurs d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, si on, c'est assez compliqué d'aller jusque-là, en même temps, justement, pour les raisons que j'avais expliquées précédemment. Et je me demandais de quelle manière est-ce qu'on pouvait tourner autour. Parce que, voilà, parce que dans, au sens où c'est quand même vachement plus, c'est quand même intéressant, parce que c'est relativement facile à intégrer dans un univers sans que les joueuses aient forcément conscience du fait que ce soit un genre. Ou que ce soit ça l'idée qu'on essaie de faire passer derrière. Mais je me demande s'il n'y a pas moyen de jouer là-dessus. Ensuite, le deuxième point, ce que je voulais soulever, je ne me souviens plus à quel moment il y a quelqu'un qui avait soulevé le fait que, à terme, on risquait de se retrouver avec chacun, dans la diversité des genres sur un GN, on risquait de se retrouver avec chaque individu qui joue son perso tel qu'il est, et que la notion de genre, au final, c'est juste chaque personne a son propre genre. Je voulais aborder deux points à ce sujet. Le premier point, c'est que y a un genre qui est le genre Maverick, qui correspond plus ou moins à ça, même si là, pareil, en termes de renseignements, je n'ai pas trop suffisamment de sources sur ce sujet, et pourtant j'ai un peu cherché. Et ensuite, le deuxième point, c'est que si on en arrive à un stade où les joueuses finissent par conclure que le mieux au niveau du genre, c'est de considérer que chaque personne a son genre propre, et que donc, au final, le genre a plus de sens, moi, ça me va. En fait, concrètement, je trouve que si sur un GN, il y a des gens qui ne sont pas sensibilisés à cette question-là, qui sortent du GN en concluant ça, en ayant traversé toute l'expérience des problématiques inhérentes au genre, et ce dernier point est essentiel, parce que sinon, ça n'a pas de sens, mais moi, je trouverais ça extrêmement positif. Sur l'aspect de tout ce qui est extra-diégétique, il y a un point qui me semble absolument essentiel si on veut faire un GN inclusif. Je change de sujet. C'est l'accès aux soins rapides. Je vais prendre un exemple. Je connais une personne qui a une maladie qui est extrêmement rare. Pour vous donner un exemple, en France, on connaît, de ce que j'ai compris, moins d'une dizaine de personnes qui ont cette maladie. Et en l'occurrence, cette personne peut faire des crises qui ressembleraient à des crises d'allergie, mais qui ne sont pas liées à des problèmes allergiques. Ce qui fait que si l'accès aux soins n'est pas possible, ça va être problématique pour cette personne en termes à la fois de ne pas avoir peur de venir sur le GN et en même temps en termes de difficulté à évoluer sereinement sur ce GN-là. Point suivant, on a également évoqué la possibilité des ateliers et de mettre en place des ateliers sur des GN, mais en fait plus un GN est gros sur plus il y a de personnes présentes sur un GN, plus on est sur quelque chose qui correspond plus à un mass LARP, plus ça va être compliqué de mettre des ateliers en place, alors que pourtant il faudrait le faire si on veut vraiment axer ça, ce type de sujet, ou plus exactement si on ne met pas en place d'ateliers, désolé je m'embrouille, on va se retrouver dans une situation où ça va être compliqué de profiter de ce que peut apporter un atelier sans en faire. Et pourtant, je suis absolument convaincu qu'on peut arriver à créer un mass LARP, en théorie en tout cas, sur lequel il y aurait énormément de diversité et en même temps qui resterait accessible tout en abordant point par point ou camp par camp en tout cas. Pour chaque camp, un certain nombre de sujets qui seraient intégrés dans la culture, dans l'idée et dans la culture du camp. Voilà. Alors, du coup, c'est intéressant, il y a plein de choses à discuter. Mais bon, c'est vrai que du coup, j'ai pris des notes parce que j'avais peur de me perdre dans mon truc. Pour revenir sur le genre, quand même, parce que du coup, il y a plein de trucs que tu évoques qui sont assez intéressantes et que les autres ont évoqué avant et dont j'aimerais parler. Alors déjà, je pense que quand on parle d'inclusivité et qu'on parle des genres, etc., je pense que c'est aussi important de réfléchir à l'expérience que les gens ont en étant de ces genres-là et donc de penser à quelle partie de l'expérience du genre on va évoquer dans le GN et du coup, à quel point il va falloir communiquer sur ce point-là. Je pense par exemple à un GN qui s'attaquerait par exemple à des thématiques comme bah, justement les violences face aux communautés LGBT, par exemple. Quelle partie, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ressortir? Tu peux peut-être vouloir faire finalement un GN qui ressemblerait à un survival horror pour les queers, ou tu pourrais faire un GN sur justement le fait de peu à peu s'accepter et d'accepter finalement d'accepter finalement la société telle qu'elle est, tout en essayant gentiment de la changer pour que toi et les gens autour de toi soient plus en sécurité. Et je pense que c'est surtout là-dessus en fait que aussi, enfin c'est un truc, enfin quand on fait de la communication sur le GN, c'est aussi très très important de réfléchir à pas seulement aux thèmes qui sont abordés, mais surtout à comment ils sont abordés et comment justement la façon de les aborder peuvent rebuter certains. Je sais que par exemple moi, un GN qui parlerait justement d'homophobie ordinaire et de la biphobie inhérente à la communauté LGBT, je sais que par exemple personnellement moi ça je ballerais terriblement et que ce serait pas une bonne idée pour moi. C'est un exemple comme ça balancé dans le vent, mais c'est un exemple quand même. Mais n'empêche que ça peut être des thèmes intéressants à aborder, et justement, c'est d'où l'importance de communiquer dessus. Ensuite, donc Ederon a évoqué les possibilités de genre alternatif dans un peuple, que ce soit avec un genre neutre, voire pourquoi pas complètement bayonnayer la notion de genre. Et je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant comme ça, en tant qu'orgaf PNJ, ça me donne envie d'organiser des races qui discutent là-dessus, mais pour le coup c'est vrai que c'est assez compliqué à mettre en place, parce que du coup ça va demander des gros ateliers. Je pense notamment, par exemple, imaginons qu'une société a construit son genre sur les tâches que choisissent ses membres. Donc mettons qu'il y a le genre chasseur, il y a le genre cueilleur et il y a le genre pêcheur, pour un truc basique, hein, imaginons. À ce moment-là, on pourrait imaginer que chaque genre ait des pronoms alternatifs et un accord précis. Par exemple, les chasseurs, c'est « celle », les cueilleurs, c'est « quelle », et les pêcheurs, c'est « pelle ». C'est très con dit comme ça, mais c'est une possibilité. Je pense que ça peut être intéressant, et c'est vrai que après, comme l'a évoqué Ederon, c'est vrai qu'on fait moins d'ateliers sur les masses LARP. Je pense surtout là, encore une fois, hein, parce que c'est l'exemple le plus flagrant, mais à Candoria, où les gens vont arriver et strictement rien comprendre s'ils n'ont pas des potes qui ont un peu compris avant, parce que là, sinon, c'est la mort. J'ai juste oublié, quoi. Grosso modo, d'ailleurs, on se retrouve à aller au GN parce que telle ou telle personne y est, mais à part ça, ça reste un barbecue à 80 balles où tu amènes tes propres saucisses. Donc voilà. Mais je pense que voilà, même dans ce genre de masse LARP, il serait possible d'aborder ce genre de truc et d'avoir des thématiques langagières, enfin des modifications du langage qui seraient intéressantes à aborder. Notamment, par exemple, à Norland, où il y a la faction des Lyonnes des Reins, qui accordait tout, enfin qui utilisait le féminin agrégatif, qui était intéressant. Et dernière chose, donc pour revenir au thème plus récemment abordé sur l'inclusivité face aux personnes donc, qui ont des handicaps physiques, du coup, je pense, alors c'est vrai que ça s'adapte et ça se travaille. Par exemple, un de mes contacts, Alexandre Méganc, pour ne pas le nommer, lui est en fauteuil roulant. Et alors, au dernier Norland, encore une fois, hein, c'est un mass LARP discutable, il jouait donc le pyrochimiste qui, en fait, servait de PNJ, en fait, attaché aux transactions et aux craft alchimistes, alchimiques et magiques, etc. Et du coup, c'était très, très intéressant, parce que du coup, sa chaise était complètement intradiégétique. Il était vraiment sur une chaise roulante d'une technologie étrange qui était assez... Du coup, en jeu, ça donnait des résultats assez impressionnants. Avec un RP construit tout autour. Donc en tant que PNJ, c'est intéressant, mais en tant que PJ, c'est vrai que c'est plus difficile à intégrer parce que ça demande un plus gros suivi qui, sur un GN de 200 personnes, n'est pas forcément simple à mettre en place. Un autre exemple, je pense à une amie, Sylvia, qui l'année dernière a fait un AVC, pas en jeu, mais voilà, qui l'a laissé en, qui l'a laissé quand même paralysée sur une grosse partie de son corps. Elle est en rééducation, etc. Mais elle a quand même voulu venir à DGN, ce qui fait que pas mal de fois, en fait, des joueurs la portaient un peu à droite à gauche. Mais il y a eu des moments où, par exemple, elle était en train. Il y a eu une attaque de PNJ trash mob pendant la nuit. C'était à de l'autre côté du miroir, d'ailleurs, pour ceux qui, pour ceux que je sais y ont participé ici, hein, Ludo, Axel, coucou. Elle s'est faite tout simplement tuer pendant la nuit parce qu'elle est paralysée, elle ne pouvait pas courir, elle pouvait tout au plus marcher un peu si quelqu'un lui tient le bras. Donc, dans cette situation, elle, son personnage est mort. Son personnage est mort comme un con parce que les PNJ, tout simplement, ne se sont pas dit « Ouais, bon, peut-être que sur ce coup-là, on va dire que genre, elle avait un écran magique ou une connerie comme ça. Enfin, » c'est ce qui est un peu con quand même, même si bon, tu me diras, la joueuse en soi était prévenue qu'il y aurait de l'action. Il y a des limites à avoir. Alors, moi, j'ai noté trois trucs. La première chose, pour moi, les GN nordiques ne sont pas que pour les intellos. Alors, je pense que je sais pourquoi tu disais ça, mais à mon sens, il faut distinguer deux choses, les importations et les inspirations. Importer un GN qui a été écrit par un ou une Scandinave parce qu'on y trouve parce qu'on trouve le design intéressant, des questionnements chouettes et tout, c'est une chose. Et effectivement, ça s'adresse peut-être plus à une population plus intellectuelle ou intellectualisée. Mais pour autant, ce qui est intéressant aussi dans le GN nordique à noter, c'est tout le potentiel d'inspiration qu'il a. On prend l'exemple des ateliers dont on parle depuis tout à l'heure, mais on peut aussi très bien les safe words ou alors les colliers de couleurs qui permettent de construire autour du cube pour définir l'intensité du jeu, ce genre de choses. Voilà. Voir que justement, le GN nordique et donc tous les questionnements théoriques et pratiques qu'on peut y trouver sont aussi à avoir comme une source d'inspiration pour ensuite concevoir des GN français et faire évoluer les choses. Parce que là, justement, pour aller notamment beaucoup de Candreau de Maslarp, moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, justement, c'est que vous citez des GN qui sont dans la tradition. Et tout le monde sait que la tradition, c'est le mal, parce que ça n'évolue pas, ou en tout cas, par définition, ça n'évolue pas. Or, à mon sens, être inclusif, c'est comme pas mal de choses, penser à l'inclusivité de manière assez poussée, c'est complexe, et donc ça demande beaucoup de ressources. Et donc, ça, à nous de nous poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on met en place. Voilà. Et pour moi, le GN est politique, comme plein d'autres propositions artistiques, il est politique, et quand on se pose la question de l'inclusivité, c'est un questionnement politique. Et donc, on se doit réfléchir à comment on met ça en fait en œuvre, comment on communique autour de ça, et quels outils derrière on met en place pour justement arriver à ces fins. Tout à l'heure, quelqu'un prenait l'exemple du Lierre et la Vigne. Bon, effectivement, le Lierre et la Vigne, c'est un GN qui permet à un petit groupe de personnes de vivre le premier jour d'une résidence d'artistes polyamoureux. Bon, ben, c'est un projet de jeu qui est ouvertement politique, qui est ouvertement militant et qui du coup peut-être s'adresse à des personnes qui ont déjà une réflexion à ce sujet, soit naissante, soit poussée. Et donc, de fait, il va peut-être faire peur à des personnes qui se sentiraient pas en capacité de l'apprécier. Mais un GN à 1500 personnes qui voudrait aussi aborder les mêmes questionnements pourrait très bien le faire en ayant une communication tout à fait différente et en mettant en place des outils de manière à permettre à 1500 personnes d'aborder ce sujet-là beaucoup plus simplement. Voilà. Et donc, on en vient à l'idée. Un outil pour moi qui me paraît totalement essentiel et notamment dans les questions d'inclusivité, c'est vraiment la note d'intention. Dire, voilà, ben oui, j'organise avec d'autres personnes un GN pour 1500 personnes. Ce GN parlera de questions X ou Y, et voici comment on veut l'aborder. Comme on sait que c'est un sujet qui n'est peut-être pas forcément très facile d'accès pour beaucoup de personnes, ou en tout cas connu, voici des ressources, etc., etc. Mais tout ce processus-là, en fait, doit être pris en compte dans le design, de manière à s'adapter aussi à ce qu'on sait du référentiel et des acquis actuelle des personnes qu'on vise ou de la société, que sais-je. Et donc, ça demande un effort, effectivement. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on demandait un énorme effort de culture générale à nos joueurs et à nos joueuses. Pour moi, il est la responsabilité des organisateurs et organisatrices de fournir cet effort au maximum. Donc c'est du boulot, hein. Mais si on a un objectif d'inclusivité ou on a un objectif sur un sujet précis, pour moi, je pense que c'est vraiment important de se poser la question, pas de, enfin, de mettre en premier lieu, avant d'écrire 500 000 pages de jeu, dire OK, je vais en écrire 500 sur des ressources que ensuite je vais mettre à disposition via des moyens. On a quand même pas mal de moyens maintenant contemporains, notamment via le web, pour mettre à disposition des ressources aux participants du jeu. Comment je mets en place ces ressources-là en amont, même sur des vidéos, que sais-je, pour justement faire transiter en fait, ce qui est traditionnellement demandé aux joueurs et aux joueuses du côté de l'organisation. Voilà. Bah, du coup, là, bon, je vais revenir sur cette histoire d'Intello. Je parlais bien du GN nordique complet, c'est-à-dire avant tout, qui a certaines thématiques très sociologiques ou psychologiques. Et justement, là, je te rejoins, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les outils, justement, pour être inclusif, tout en étant militant, puisque je suis d'accord aussi sur le fait que le jeune est militant, c'est intéressant de mélanger des formes plus populaires de GN, je vais dire populaire plutôt que traditionnel, avec les outils que nous a donné le GN nordique. Et typiquement, bon, moi je fais pas mal de GN romanesque et ils sont, depuis 2-3 ans, ils sont quasiment tous en train d'utiliser les outils nordiques, les ateliers, les safe words principalement. Voilà, ça c'était pour conclure ce point-là. Je voulais ensuite passer sur la question de l'inclusivité par rapport au handicap qui a déjà été un petit peu évoqué. Donc, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi sous l'angle de la logistique et des règles, mais pour l'écriture, ça reste encore un peu flou pour moi. Et donc, je serais intéressée d'avoir vos réflexions sur le sujet. Bon, un problème que j'ai remarqué, c'est le fait de refiler des personnages âgés ou déjà handicapés aux personnages handicapés. Ça, ben, c'est relou. C'est aussi relou que de refiler le personnage racisé au joueur ou à la joueuse racisée. Ça, mes potes qui sont racisés, ils n'en peuvent plus. Et moi, pareil, avec les personnages, enfin, je ne l'ai pas encore trop eu, mais j'ai eu quelques retours de gens qui l'ont eu. Ils ont un handicap, ben, on leur file le personnage âgé, généralement, pour donner une raison en jeu à ne pas trop jouer. Et c'est un peu lassant d'être toujours enfermé dans les mêmes rôles. L'autre truc que j'ai vu au niveau de l'écriture toujours, qui pose un peu problème, c'est que lorsqu'il y a des personnages handicapés en jeu, donc c'est bien, ça donne un peu de visibilité, sauf que c'est systématiquement un handicap dû à une blessure. Et bon, là, moi, je plaide coupable, hein, j'ai le cas aussi. Ensuite, bon, il faut dire aussi que j'ai des vétérans de la Première Guerre mondiale dans mon jeu, donc c'était quand même aussi assez logique. Mais on ne croise pas de personnages handicapés qui soit handicapé par une autre cause qu'une blessure, sans doute parce que la blessure ajoute du drama, mais du coup, la visibilité, elle n'est pas là. Voilà, et donc je suis demandeuse d'autres réflexions sur l'inclusivité par rapport au handicap au niveau de l'écriture, puisque logistique et règles, on verra ça après. Concernant le fait d'écrire des personnages, tu disais, Rondera, valides ou non, mais force est de constater qu'effectivement, d'une part, on écrit par défaut des personnages valides et qu'ensuite, les personnages handicapés sont généralement des personnages qui ont subi une blessure. J'ai joué une seule fois, je crois, un personnage en situation de handicap et c'était effectivement quelque chose qui se jouait en jeu et où, en fait, mon personnage, suite à une blessure, est resté handicapé toute sa vie. Ça se manifestait par le fait de devoir se déplacer avec des béquilles. Voilà, concernant le fait de donner des personnages handicapés aux personnes handicapées ou de donner des personnages racisés aux personnes racisées, effectivement, c'est un peu nul parce que il faut réfléchir aussi au fait qu'on fait du GN dans une optique d'évasion ou en tout cas pour changer de sa vie de tous les jours. Et si on se joue soi-même dans ses propres situations de discrimination, c'est un petit peu nul. À ce propos, je vous mettrai une référence dès que j'aurai fini d'appuyer sur mon bouton qui me permet de parler. Knotpunkt, il y a eu un panel sur justement l'intégration des personnes racisées dans le GN et il y avait ce problème-là qui était mis en avant. Jouer ses propres discriminations, ça peut ou être totalement pourri et franchement, on ne va pas en GN pour ça, ou alors, si vraiment on s'est abordé, ça doit être abordé d'une façon qui nous permet de retourner cette discrimination-là et de faire du GN un outil d'émancipation pour la vie de tous les jours. Et je vais vous mettre la référence et ce sera tout pour moi. Donc, je suppose que c'est à moi. J'espère que vous m'entendez. Bonjour, c'est Yannick. Donc, moi, je voulais intervenir sur la question des personnages handicapés qui sont joués par des personnes qui sont en situation de handicap et donc des personnes racisées qui se retrouvent avec des personnages racisés. Ça pose problème parce que en fait ça pose un problème en termes de représentation, c'est-à-dire que la plupart du temps sont en fait des fantasmes qui sont écrits par les organisateurs et les joueurs qui se trouvent entre leurs mains ce type de personnage n'ont qu'un reflet de quelque chose qui est un cliché et c'est là où c'est assez problématique. Et on n'arrive pas à se sortir un petit peu de... On t'a perdu. Et pourtant, j'appuie sur le bouton. Ok, c'est bon. C'est bon, je peux continuer. Donc, ce que je disais, c'était que ça pouvait poser souci parce qu'on n'arrivait pas effectivement à se sortir de notre quotidien. Et ça, c'est un peu le devoir premier de... et ce que je disais, je pense que ce que j'ai dit était un peu coupé, donc c'était peut-être pas très, très entendable ce que j'ai raconté. Mais ce que je voulais dire, c'est que le souci de ce type de personnage et la relation qu'il peut y avoir entre les organisateurs et les joueurs à ce niveau-là, c'est avant tout une question de fantasme de la part des organisateurs, avant tout. Et c'est là où c'est avant tout aux organisateurs de travailler quelque chose qui est de l'ordre de la culture, ou ne serait-ce que d'essayer de se mettre à la place de l'autre. D'autant plus que sur les personnages qui ont un handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental ou psychique ou un problème psychiatrique, c'est... On t'entend à nouveau plus. Le micro, il ne veut pas. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant ce que j'ai entendu au début. J'aurais voulu intervenir un peu plus tôt, mais mon téléphone, il fait des siennes. Voilà. Donc, je laisse la parole à la personne suivante. Ce sera Théo. Théo, viens, s'il te plaît. Donc, bon, ça remonte un peu. Nathan, tu avais parlé de l'accès au traitement sur le site. Bon, c'est juste un petit détail. Je rappelle juste qu'on est des associations, en général, ou des entreprises. Et on n'a pas le droit de fournir de médicaments sur site. Il est illégal de détenir des médicaments au nom de l'association. Donc, il faut préciser pour que les gens en situation de maladie puissent avoir des traitements pour eux. Même, un Doliprane est illégal. Donc, on peut avoir des problèmes avec ça. Il y a moyen que des gens puissent porter plainte, notamment des pharmaciens. On ne sait jamais. Mais voilà, donc il faut faire attention avec ça. Ceci dit, c'est vrai que ça aurait été une bonne idée si ce n'était pas illégal de prévoir des traitements en cas de problème. Voilà. Ensuite, je voulais faire donc une intervention. Je voulais revenir effectivement sur l'écriture. Dans mon expérience, on va dire, l'idéal, effectivement, comme disait Yannick, ce n'est pas de prévoir des personnages handicapés. C'est au contraire de ne pas prévoir, c'est-à-dire de faire des personnages tellement vagues, tellement vaste qu'il ne soit pas genré, à moins que, selon sur le fusil de Tchekhov, il y ait besoin d'un genre. Mais à part si on veut jouer sur vraiment les violences sociales, par exemple, si on fait un jeu de rôle, ou alors un jeu de rôle à tendance historique, on a besoin des rapports de domination masculin, machin, ce genre de choses. Oui, effectivement, là, il y a besoin de genre, mais par exemple, sur en général, un GN contemporain ou un GN un peu plus laxiste sur les backgrounds, construit avec les joueurs, ce genre de choses, il n'y a vraiment pas besoin de genrer. Et s'il y a une personne en situation de handicap qui arrive sur le jeu de rôle grandeur nature, dans ces cas-là, il faut prendre contact avec l'organisation pour qu'elle puisse adapter son GN et en fait, s'adapter dynamiquement. Parce que c'est vrai que moi, je me dirige plus en écriture de j'écris mes jeux de rôle et je les adapte en fonction de qui j'ai comme joueur en face, combien j'en ai, je peux, avec des variables de nombre, ce genre de choses. Et pourquoi pas une variable d'accessibilité, en fait. C'est-à-dire, bon, là, effectivement, on avait dit une personne en fauteuil roulant. Est-ce que le jeu est disponible? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un escalier? Est-ce que on va prévoir des attaques de nuit? Bon, là, ça sera à discuter, ce genre de choses. Mais en fait, la plupart du temps, le plus simple est de dire, bon, bah, effectivement, tu vas jouer quelqu'un qui est handicapé parce que c'est plus compliqué, ou alors on ne fait juste pas attention, et au final, tout le monde s'en fiche. C'est pas mal aussi. Alors du coup, pour du coup développer sur l'exemple du fauteuil roulant, en l'occurrence, ça s'est passé à Norland, où en effet, le GN était assez accessible pour lui, il y avait pas mal de pentes, etc. C'était jouable, et de toute façon, en tant que PNJ, il avait un rôle très à l'écart des batailles, etc. Donc, le rôle qu'il avait, où il avait pas mal quand même de moments de présentation, de spectacle même, avec des props assez impressionnantes, notamment un livre qui faisait du feu, etc. Il avait à la fois du jeu qui clairement l'amusait, hein, pour le coup, et une place dans le GN qui était quand même assez importante, sans qu'elle donne à qui que ce soit la possibilité de faire un commentaire d'une mauvaise foi terrible, du genre « Ouais, et parce qu'il est handicapé, elle voulait faire un traitement de faveur, ouais, c'est pas bien !» Et donc, du coup, voilà, c'est ce genre de conneries. Donc ça, on a pu largement s'en passer, parce que le GN avait vraiment une bonne ambiance, etc. Donc voilà, encore une fois, là, pour lui, ça a été une bonne expérience, du moins de ce que j'ai pu en voir. Après, je n'ai pas tant de ça à parler avec lui, mais il avait l'air de se ramuser comme un petit fou. Comme on est dans une optique de conclusion, j'aimerais juste en fait résumer plus ou moins ma pensée sur tout ce qui a été dit. Finalement, ici, on fait beaucoup de théories sur comment penser le GN et penser le GN inclusif. Mais je pense que surtout, de toute façon, ça reste une question, la question encore plus vaste, l'éternel poncif de comment penser le GN tout court. Et finalement, ce que je pense qui est intéressant de se dire, c'est que de toute façon, si les gens ont la possibilité de s'amuser dans un environnement où ils n'auront pas quoi que ce soit, où il n'arrivera strictement rien, qu'ils ne soient pas, en fait, au final, prévisible dans une certaine manière, et là je ne parle pas en termes de scénario, hein, je parle en termes d'événements purs et durs, du genre une attaque dans le dos de manière sauvage par un PJ d'une faction ennemie, ou le fait qu'un type vienne et te claque les fesses en tapant Minette parce que c'est un GN qui aborde des dynamiques du patriarcat, par exemple, ou parce que l'univers abordé est posé comme tel. Voilà, c'est ce qui compte au final surtout, c'est que donc tout soit clair, mais surtout que tout soit amusant. Et je pense qu'il faut pas garder, enfin il faut pas oublier que quand on écrit un GN, on écrit une œuvre de fiction, et que donc on est maître finalement des thèmes abordés. Rien pour répéter en fait tout ce qui a été dit, rien n'est innocent, rien n'est gratuit, et il est important surtout, je pense, de pas seulement de se demander comment faire pour que tout le monde soit inclus, mais surtout dans quelle mesure je veux discuter le fait d'inclure. Et je pense pas qu'il y ait de niveau idéal de l'inclusivité, parce qu'après tout, tu peux juste laisser certaines parties dans le vague, du genre par exemple faire ce que fait Donjon Dragon et dire que ton personnage peut être de n'importe quel genre, et même aller jusqu'à faire ce que fait Exalted en disant que la lune est une lesbienne transsexuelle qui est amoureuse de l'océan. Voilà, tu fais ce que tu veux largement, sans que ça pas forcément. Mais d'une manière générale, il faut surtout pas oublier que si ce qui est fun pour toi n'est pas forcément fun pour les autres, donc de ne pas oublier de déconstruire le fun que tu crées et que tu écris. Voilà. Et je lâche le micro. Bon, c'est à moi du coup. Je voudrais répondre rapidement à Théo sur l'aspect du fait qu'on puisse pas avoir de médicaments sur le site et pour expliquer un petit peu comment je voyais les choses. Sur ce point, en fait, on peut pas donner de médicaments sur site, mais on peut avoir des médecins sur site quand c'est possible. On peut éventuellement avoir la Croix-Rouge et à défaut, pour des raisons de coût, quand c'est trop compliqué d'organiser tout ça pour X ou Y raison, je pense que le minimum, c'est quand même de prévoir une procédure d'évacuation rapide pour l'hôpital et de rester extrêmement… d'avoir une attention toute particulière par rapport aux personnes qui seraient les plus susceptibles d'en avoir besoin. Un minima pour pouvoir les sécuriser émotionnellement par rapport à ce type de choses et de même manière pour pouvoir leur permettre de se concentrer sur le jeu. Ensuite, il y a quelque chose qui a été dit et auquel j'ai réagi de manière un peu épidermique parce que voilà. Candoria n'est pour moi pas un barbecue géant, ou plus exactement, mais pas que. Pourquoi ? Parce que Candoria, c'est un jeu où on trouve strictement ce qu'on vient chercher, et je trouve extrêmement dommage, à titre personnel, qu'il n'y ait pas plus de gens qui viennent y chercher plus de choses. Candoria, c'est un GN sur lequel, à titre personnel, je vis des situations qui sont des situations de nordique. J'allais dire à chaque fois que j'y vais, bon, peut-être pas, il y a peut-être une occurrence où ça n'a pas été le cas, mais très, très, très, très, très, très, très souvent. Et j'ai déjà eu les larmes aux yeux à Candoria dues à des situations qui découlaient uniquement du jeu, sans qu'il y ait de violence extérieure. Voilà. Donc ça, c'était pour Kando. Plutôt que de relancer le débat sur le sujet, j'amène les personnes qui souhaiteront discuter avec moi à me contacter et éventuellement à carrément lancer une table ronde sur le sujet pour le mois prochain, ou en tout cas, je le proposerai en suggestion au vote. Voilà, c'était simplement une parenthèse. Concernant les problématiques de handicap qui sont systématiquement plus que des handicaps physiques, je vais utiliser le terme de handicap visible en opposition au handicap invisible. C'est-à-dire que effectivement, un handicap visible, on va avoir plus tendance à penser à ça, sans se poser la question des handicaps qu'ils ne sont pas. Par exemple, il y a même une situation où des handicaps à la fois sociaux et mentaux sont des handicaps visibles parce que sont tellement intradiégétiques et auquel on est tellement habitué sur un univers qui est pourtant extrêmement joué. Je pense à Vampire et aux Malkavianes. Les Malkavianes subissent une discrimination simplement parce qu'ils sont neuroatypiques, parce qu'en fait, ça ne relève. Je précise aussi que j'utilise le terme neuroatypie dans le cadre de la diversité psychologique, j'ai zappé le terme exact, et pas dans le cadre de la définition utilisée en médecine. Donc, le problème des Malkavianes, concrètement, si on lit un peu à travers les lignes de l'univers, c'est simplement qu'ils sont neuroatypiques et qu'ils subissent des discriminations par rapport à ça. Les Malkavianes, ce sont un type de vampire qu'il est possible de jouer dans les univers de Vampire la Mascarade et Vampire Dark Age. Ils sont en fait le même univers avec deux jeux différents. Simplement, ces personnages sont perçus comme fous et certes, la plupart d'entre eux ont également des visions, etc. Mais en fait, ils ont accès à un autre type de vérité, ce qui en fait est simplement une métaphore des personnes d'un certain nombre de manières de penser différentes et en dehors de la norme qui font que ces personnes-là ont tendance à percevoir des choses qui échappent à la majorité des gens, mais du coup, comme ces personnes réfléchissent de manière différente, la majorité des gens va percevoir des choses que ces personnes ne percevront pas, ou difficilement. Ce qui, du coup, amène à un souci de communication. Mais comme la norme des gens considère que c'est les autres qui sont un problème, plutôt que simplement les accepter parce qu'ils sont différents sur ce point-là, bah, du coup, ils vont être perçus comme dégénérés quelque part et fous. Voilà, donc ça c'était pour les macabres. Alors, le terme neuroatypique en médecine, il est utilisé pour désigner toutes les personnes autistes en opposition à neurotypiques, qui sont les personnes non autistes. Personnellement, j'utilise ce terme dans une de ces utilisations militantes qui consiste à dire que les personnes neuroatypiques sont les personnes qui sont à l'extérieur des normes psy au sens large. Donc concrètement, toutes les personnes qui ont des troubles, troubles 10 par exemple, les personnes... effectivement, bon, qui peuvent être autistes, une personne qui aura un trouble bipolaire, des choses comme ça, etc. Et en fait, mon point, c'est qu'il y a énormément, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans ce type de cadre dans la population en général, et assez souvent, ce sont des handicaps invisibles dont on ne se rend pas compte jusqu'au moment où il va y avoir un moment où, où les personnes ne seront pas sur la même longueur d'onde par rapport aux personnes avec lesquelles elle discute. Et à ce moment-là, on va se dire, bah tiens, toi, tu as un problème ou il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans. Enfin, la plupart des gens, et c'est une violence qui est faite à ces personnes-là de manière assez fréquente. Pourtant, ces personnes-là ne seront pas perçues de l'extérieur comme handicapées, en tout cas au premier abord. Ensuite, il y a tout ce qui est discrimination vécue par le personnage auquel le joueur n'est pas exposé en temps normal. Je vais reprendre le cas de Candoria. J'ai évolué pendant 3 ans dans un camp où mon personnage subissait des discriminations raciales et des discriminations religieuses sans moi pour autant les vivre. Et en l'occurrence, ce qui est le plus hallucinant, pas hallucinant, je retire ce terme, ce qui est le plus gênant et le plus étrange dans cette situation, c'est que ce n'était pas perçu comme de la discrimination par les personnes autour. Donc on a bien des situations sur lesquelles on peut travailler et qui peuvent être intéressantes là-dessus. Ensuite, y a un point qui me semble essentiel à aborder, c'est le fait que quand on a un handicap, on est obligé de le jouer, en fait. Au sens où, même si des règles autour vont faire en sorte de compenser le handicap qu'une personne a, mettons par exemple que j'ai un problème de mémoire qui fait que je n'arrive pas à mémoriser, que j'ai du mal, beaucoup plus de mal que la majorité des gens. C'est un exemple comme ça, mais à mémoriser un certain nombre de choses, du coup, ça va se retranscrire en jeu. Et ça, c'est absolument pas gérable. Enfin, on peut pas décider de l'ignorer simplement pour des raisons de on souhaite qu'une personne qui ait un handicap joue un personnage qui n'a pas ce handicap. Cool. Effectivement, il y a plein de choses super intéressantes que tu viens de noter. Alors juste, je réagirais sur la dernière chose que tu viens de dire. On est obligé de jouer son handicap. Alors non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et ça me fait une super ouverture pour ce que je voulais aborder. Donc là, je vais juste vous livrer quatre points, en fait, qu'a développé une game designeuse états-unienne encore, qui s'appelle Shoshana Kessot, qui se trouve notamment être en situation de handicap, puisqu'elle s'est retrouvée dans un fauteuil un jour, et depuis, elle s'est posée plein de questions là-dessus, et c'est une nana extraordinaire. Donc, je pourrais vous livrer à plus tard, je pense, transposer tout le network et le mettre à disposition. On verra comment. Mais donc, sur les 4 points, le premier, en fait, elle prend la construction du univers, du monde, et se poser la question de quelle place on donne aux personnes. Alors, oui, juste, je reviens. Elle utilise le terme disability. Donc, si on le traduit, ça donne un truc entre invalidisé ou incapacité. Je serais plutôt sur l'incapacité, mais l'idée, voilà, c'est que justement, ça prend en compte. Donc, il y a la disability qui est visible, mais il y a aussi celle qui est invisible. Et elle n'est pas moins importante parce que. Justement, comme elle est invisible, on a tendance à l'oublier, alors que finalement, elle a beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, la construction du monde, comment les personnes en situation de disability ont leur place dans le monde. C'est-à-dire qu'à mon sens, et aussi, mais je suis assez d'accord avec ça, se poser la question en amont de comment les personnes en situation de disability sont dans l'univers, c'est important pour ensuite savoir si oui ou non on va les faire jouer. Voilà, parce qu'a priori, si on ne se pose pas la question, en fait, de l'incapacité ou ou du handicap, ben, ça risque de tiquer. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que les joueurs et les joueuses peuvent faire ? Les personnes qui sont du coup valides et les personnes qui sont en incapacité. Et là, je reviens à ce que tu disais la dernière fois, c'est primordial de se poser la question avant d'avoir choisi son lieu, avant d'avoir signé en fait quoi que ce soit, parce que on peut toujours s'accommoder derrière, mais il y a des choses qui seront impossibles à faire. Prenez l'exemple notamment d'un super GN vampire trop bien qui se posait la question de plein de choses au niveau de l'inclusivité. Manque de vol, il n'y avait pas de rampe d'accès, c'était dans un bâtiment désaffecté. Du coup, voilà, c'est le truc que tu ne peux pas faire en amont et si en aval. Et si tu ne penses pas en amont, c'est foutu quoi qu'il arrive. Donc, se penser à la question de ce que les joueurs sont en capacité de faire et comment on va leur permettre de le faire. Le troisième point, c'est tout simplement la dimension physique du jeu. Pour ça, il propose en fait de se poser la question en fait des verbes qu'on va utiliser en jeu. Sauter, marcher, courir, etc. Et ça peut aussi pas mal répondre à la question de, je prends l'exemple de l'attaque de nuit, il a donc parlé 15 fois. Voilà. Est-ce que justement, si ce verbe-là, en fait, se réveiller dans la nuit et courir pour pas mourir, est dans mon jeu, comment derrière, je me pose la question de l'incapacité physique ou autre par rapport à ça et par rapport à tous les autres verbes. Et le quatrième point, c'est comment la communauté en fait traite les personnes en situation d'incapacité. Je vais rester sur le terme anglais, de disability, en général, parce que c'est aussi une chose qui est importante à prendre en compte et à affirmer en tant qu'organisateur et organisatrice, comment les gens, quelle image en fait les gens vont arriver et comment derrière nous cette image en fait on la valide, on l'invalide, on la modifie. Ok, du coup là je vais prolonger ce que dit Baptiste. En effet, on n'est pas obligé de jouer son handicap, puisqu'en fait, la définition du handicap, c'est un décalage avec l'environnement. Le handicap n'est pas essentiel. Du coup, si on crée un environnement adapté, les personnes qui sont en situation de handicap dans le monde réel ne sont pas handicapées. J'avais tout à l'heure lancé la question de comment on peut inclure dans l'écriture du jeu, parce que bon, j'ai surtout réfléchi aux questions logistiques et règles dont on n'a pas parlé maintenant et qui pourraient faire l'objet d'une autre table ronde. Un design du jeu, ça pourrait être considéré différemment pour le handicap physique, par exemple, qui n'est pas forcément visible d'ailleurs, hein, soit dit en passant, puisque tout à l'heure on parlait de la distinction. Moi-même, je suis en handicap physique invisible la plupart du temps. Considérer différemment les stations debout et assises. Ça, c'est encore un peu nébuleux, mais on pourrait considérer. Les gens, ils discutent souvent debout dans les GN. Et ça, on pourrait peut-être travailler là-dessus ou faire quelque chose dans le design du jeu pour que la posture normale, ce ne soit pas debout, ce soit assis. Et bien là, il y a des tas de gens. Qui ont un handicap physique, quel qu'il soit, de fatigue, ou des personnes enceintes aussi, ou qui ont des entorses, ou quoi que ce soit, ça leur faciliterait énormément la vie. Voilà, donc c'était juste ça. Et donc, comme je disais, on n'a pas ou très très peu abordé la logistique et les règles, et qui sont des questions intéressantes. Donc, je pose la question, est-ce que ce serait possible de faire un épisode 2 pour les aborder ? J'ai fini. Merci, c'est parfait parce qu'on tombe tout à fait dans les temps. Hein. Nous faisons mentir les gens qui disent que les GNistes et les Toulousains ont un quart d'heure de retard. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses. J'espère que la prochaine fois, il y aura autant de personnes et que ce format pourra continuer. Je vous remercie.